Au moment où la cousine Bette, la plus habile ouvrière de la maison Ponce où elle dirigeait la fabrication, aurait pu s'établir, la déroute de l'Empire éclata. L'olivier de la paix que tenait à la main des Bourbons effraya Lisbeth. Elle eut peur d'une baisse dans ce commerce qui n'allait plus avoir que 86 au lieu de 133 départements à exploiter, sans compter l'énorme réduction de l'armée. Épouvantée enfin par les diverses chances de l'industrie, elle refusa les offres du baron qui la crut folle. Elle justifia cette opinion en se brouillant avec M. Rivet, acquéreur de la maison Ponce, à qui le baron voulait l'associer, et elle redevint simple ouvrière. La famille Fischer était alors retombée dans la situation précaire d'où le baron Hulot l'avait tirée. Ruinés par la catastrophe de Fontainebleau, les trois frères Fischer servirent en désespérés dans les corps francs de 1815. L'aîné, père de Lisbeth, fut tué. Le père d'Adeline, condamné à mort par un conseil de guerre, s'enfuit en Allemagne et mourut à Trèves en 1820. Le cadet, Johann, vint à Paris implorer la reine de la famille qui, disait-on, mangeait dans l'or et l'argent, qui ne paraissait jamais aux réunions qu'avec des diamants sur la tête et au cou, gros comme des noisettes et donnés par l'empereur. Johann Fischer, alors âgé de 43 ans, reçut du baron Hulot une somme de 10 000 francs pour commencer une petite entreprise de fourrage à Versailles, obtenue au ministère de la guerre par l'influence secrète des amis que l'ancien intendant général y conservait.